Parti à Pessiliste et à ma candidat. Moi, je t'en convoite la 14, le 15 novembre. Pas servir et non se servir. Toyoki et Sengomigi n'a mis tes mains. Et Sengon a mis tes mains, mon salari bosso. Mon salana l'okumu ya Congo. Ta rancune de la politique ya Kalatobo. Mon maka ya goli banda mon bongi sa Congo. Toyoki sa mon boutu sonité. Peuple apesi confiance dans mon boutu. Mon boutu aponi bino apesi bino confiance. Bobo sa yisaye na mon sala. Na parlement député akala ya si kazalite. Bolinga na boyoka na bobongi sa Congo. Congo moka biso tombotami. Awa bino boko kota na parlement. Mon Congo te mon gala te mon lubate. Mon swahili te bino yo so bandeko. Toko pona bango librement pena esengo bino ba candidat lo mi boko koma député discute ma kambo matali Congo kotala epa yo utite Congo ezali na wi province bino ba candidat peuple a confronté bino, ko a pesi bino confiance, a popo na famille te, bilinga bilinga tombo yango, bino ba député, lomi parlement ko fungwana, ko sala ndenge ya kalate, toko milingo ba moko, parti a ti bino confiance. Bino ba député, Boto sa misala na bino, charge mon aîné topé si bino, ba erreur ya kala bo corrigé. Congo yenanye, Congo toko salela, Congo yenanye, Congo toko kumisa, Congo yenanye, Congo mboka tokoli, Congo yenanye, Congo mboka tobotami. Salela Congo yenanye Congo toko kumi Bango, na part.